Ce programme fait partie du réseau de podcasts The Other Side. Bonjour à tous et bienvenue sur Otherpie Radio. Nous sommes le dimanche 18 juin 2017 et vous écoutez la 88e édition. And it all came out right. When I lost my job, yeah, I couldn't believe you just took it in stride and how you stood by me. From the beginning, I promised you the world, and you've been through so much strife. And I know you surely deserve to have a paradise. Life. We've looked everywhere to find it, but we've had it all the time. We made it with just you and me, it's a paradise life. We never made to Paris, never saw the northern lights. We had our share of sorrows, yeah, we had a few fights. There's a lot of things we had and a lot of things we lacked, but through it all you never looked back. From the beginning I promised you the world, so much strife, and I know you surely deserve to have a paradise life. We've looked everywhere to find it, but we've had it all the time. We made it with just you and me, it's a paradise life. It's more than what you see, more than what you have. It comes down to you and me, and we've always had our backs. When you count up what's gone wrong and everything that's right, it's just the love that we have that makes a perfect life. From the beginning I promised you the world, and you've been through so much strife, and I know you surely deserve to have a paradise life. We looked everywhere to find it, but we've had it all the time. We made it with just you and me, it's a paradise life. A Paradise Life, ben c'est ce que je vous promets si vous écoutez Terpien Radio. Enfin bon, on va essayer, hein, on va faire ce qu'on va pouvoir. C'était Randall Lee Richards, c'était un single qui est sorti en mai 2017, donc ça s'appelle A Paradise Life, et ça nous a été fourni par RDX Promo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Terpien Radio. Au programme aujourd'hui, on a du blues, de la country, du rock, on a des titres sous licence Creative Commons et puis d'autres qui viennent de publier publiciste. Bref, c'est un peu l'épisode classique standard de Terpie Radio, ce qui ne sera peut-être pas le cas la semaine prochaine. J'ai une petite annonce à vous faire un peu plus tard au cours de l'épisode. En attendant, on va écouter William Barfield avec Make It Right, qui est le titre principal d'un mini-album qui est sorti en juin 2017 sur Jamendo. I left the city, I sold my dream, I got out quickly, I was asleep, the train had missed me, sat on the line, until it has not much time to make it right, pour out the wine. Catch me falling. I see the fear. I see you stolen. I went away. I ran for cover. Faking the lie. We kill each other. There's not much time to make it right. Pour out the wine and we'll get tired. We never came. My rambling shoes. Comme elle vient de le dire, c'était Bridget Kelly avec le titre Boom Boom, extrait de son nouvel album Bone Rattler, qui est sorti en mai 2017 et qui nous a été fourni par Airplay Direct. Bridget Kelly, qu'on a déjà entendu plusieurs fois sur Therapy Radio, tout comme le groupe qui va venir, qui nous a été fourni aussi par Airplay Direct et qu'on a entendu plutôt sur Therapy Radio Rock. Et il s'agit de Small Room 9. Cet extrait de leur premier album qui s'intitule Small Room 9 également, qui est sorti en juillet 2012, fourni donc par Airplay Direct et qu'on a entendu, comme je le disais, sur Therapy Radio Rock. Et je vous parlais tout à l'heure d'une petite annonce et puis d'un petit quelque chose pour la semaine prochaine. Et bien la semaine prochaine, je vous ferai un épisode de Therapy Radio complètement rock, comme on a fait l'autre fois pour l'épisode spécial blues. Et bien là, on va faire du rock. En attendant, je vous laisse avec Small Room 9 pour avoir un petit aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine. It's getting late, is all you said. But one look in your eyes, and I can turn away. I want to hold your body, I want to pull you near. Tell me, do you think of me? Un petit détail, j'ai oublié de vous donner le titre, mais bon, vous l'aurez deviné, c'était All I Ever Wanted. Voilà, donc on est arrivé à la moitié de cette édition. Vous ne bougez pas, la musique revient dans un instant sur Therapy Radio. Yo, Therapy Radio, c'est trop cool, tu piges ? like that. Way too thin, much too fat, you ain't happy. I know what you need. Wanna hold on to something, hold on to me. Don't know what it is, you want it bad. Try so hard, makes you sad, you ain't happy. I know what you need. Wanna hold on to something, hold on to me. Had it once, lost your grip. Forget it, girl, and take the hit, you ain't happy. I know what you need. Wanna hold on to something, hold on to me. Hold On To Me par Joachim Tinderholt pour commencer cette deuxième moitié. C'est un single qui est sorti en juin 2017 et qui nous a été fourni par Big Edge Records. Et puis on va retourner sur les titres en licence Creative Commons qui viennent de Jamendo avec The First Cloud. C'est le titre du groupe russe Somewhere In Time que l'on va écouter, extrait de l'album Catharsis qui est sorti en juin 2017. Sound goes down, light ahead. Sound goes down. spending all my days by the little lake. I'm restless, need to get away. I've done what I'm supposed to do today. Struggle as a fly on the window pane. Try to raise the music, but there's no more gain. I'm restless, need to get away. I've done what I'm supposed to do today. A glow in a forest fire, elusive as the speed of a hotel wire. I'm restless, need to get away. I've done what I'm supposed to do today. Et voilà un autre groupe qu'on a déjà entendu sur Tapis Radio. Il s'agit de Emerald Park avec le titre Graduation Field, extrait de leur album Go Go Go qui est sorti en juin 2015 et qui est sorti sur Jamendo. Et si vous entendez du bruit derrière moi, c'est qu'il y a l'orage qui vient d'éclater et la pluie qui tombe et il pleut à torrents. Alors on va se dépêcher de terminer cette édition avec le dernier titre qui lui aussi vient de Jamendo et sous licence Creative Commons. Il s'agit du groupe Plastic Light Factory avec le titre Robin. Cet extrait de l'album Hype qui est sorti en février 2017 sous licence Creative Commons. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode. Moi, je vais vite aller voir dans mon jardin s'il n'y a rien de cassé. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial rock. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Vous venez d'écouter un épisode de Terpia Radio. Envoyez-nous vos remarques, questions et commentaires à l'adresse info@eterpieradio.ch ou postez-les sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter ou Facebook. Visitez notre site web à l'adresse www.eterpieradio.ch pour retrouver les liens vers tous les artistes que vous avez entendus aujourd'hui. Vous y trouverez également les liens pour vous abonner au flux du podcast et pour écouter Eterpia Radio en ligne. À bientôt.